ci nak ben histoire la won ben way dal gan bu joge afrique rek duma wax nak ban deuk la joge mais waji gan afrique la joge ñew gan dugg ci bit deuk france quoi mi waji mom gan dafa deg fromage rek ay mune ah affaire da gan bay may job rek fekk mom gan dañ ko placer nak benen fromage ba nga xamné fromage bob roquefort la tudd roquefort fromage bob da moy fromage ba nga xamné boko lekke yow toilette traditionnelle rek mën ci yow dara nak té boy démé ci chez anglaise gan di nga chasser 30 fois gan bala affaire di soga dem waye dal gan japp croquefort bi di chop ay jek sa ci bir journée bi rek bir bi commencé yëngatu la la wax ni mané ko yow sa yow mom gan dug nga problème waye ne gan di dox ci dëkk bi di dox jek sa rek bir bi commencé ki mu xamné yow sa fi gan ngelaw bi waji gene ni mom sa narul jur jamm ta xamna ne mom buñu xamé né mom mo bayé ko lool mom gaay gatch dina ko dalu rek waji rek le silencieux wi ik sa rek gaay nek mé nga gis la mbéd bi gaay ñepp jaxaso gaay commencé di dawti gaay jëpp gaay di daw mo am ben mère na gaay bu yor won ben poussette mu yor ben lire ci bi nda gaay mère bi gaay di pousse ah yow mais mo gaay mi ngi daw gaay li mu mën djégi sa rek lire bi nekkon ci bi poussette bi sax dafa djégi sa rek teub gaay nek way yow ya yow da nga yex way rek gaay ko gëdd bi quoi c'est bus mère bi gaay di daw man waji gaay instant wo gaay yak na fofu yeb waji dem nak mu wara jël métro bi malheureusement pour mom nak fi mu démé bay jël métro bi rek bir bi commencé yëngul wat la wax ni waji fu waji décourager la wax ni waji tok na muna fi sa il faut que mu régler wat silencieux bi gaay waji ñew gaay jëm régler wat silencieux bi gaay silencieux bi bañ mo xamna sa ay lim gaay bru la nara def waye na ganna bo metro bala muy dem gan day nan tet halon nak legi affaire gan dam koy considérer fi mi yuxo rek ma baye walaka fa waye nak ko ba de nak mom nak am xaar ba instant bi muy dugg ci bir rek affaire bi ne tet rek mu baye walaka ci waye malheureusement pour mom affaire bi gan ci bir metro bi la yam nga gis gan passager yi commencer gan gay di xatara non au secours gay de force parentaire au secours waye waji sax mom malheureusement gan fa la jare de nak